tes fesses. Nos Vésuvistes en mission, parenthèse, ton crèche. Pour nos proches qui crèchent où ça pue la merde, la déche. L'herbe sèche, et même si on sait que ça sera jamais le 16ème sur plus de 16 mesures, sache qu'on assure. Pour la 18ème, la famille nombreuse, le chaud lapin et tous ceux qui nous soutiennent. Nous aiment ceux qu'on la haine, on les emmerde, pas de compte à rendre, rien à perdre. La vie est dure et on se démerde. N'emmerde personne et laisse personne t'emmerder. Tu nous connais, pas besoin d'excès. Dans nos couplets pour militer, c'est ok. Représenter, laisse-nous rigoler. Nous, ce qui nous fait kiffer, c'est de voir bouger les têtes et les fessiers, les mises des mecs dans toute la France en cadence. Ramasser des chèques, remplir la pensée, autant dire d'avance qu'on s'en balance. Fais-nous ce que tu penses, si tu ne bouges pas sur les textes qu'on te balance. Un biftec dans l'assiette, un toit sur la tête, c'est pour ça qu'on est là. Sortir de ce trou à ras, c'est pour ça qu'on paiera. On nous a dit que ça paye, donc nous voilà. Détendre l'atmosphère, laisse on sait y faire. On a l'art et la manière, les deux compères opèrent. À la RCA les faire interfère dans ton crâne. Les chétanes de Paname où c'est la sane s'installe sur ce son. Col crame en fume en flamme, les salles sous Marie-Jeanne. On se marre dans notre jungle, du nord au sud, rangez vos flingues et faites la bringue sur son, la fête. Surtout n'écoutez pas tous les jaloux qui vous diront qu'on se la pète. C'est pas notre faute si sur nous kiffent leurs zoulettes. Fous son à fond négro et bouge la tête. Après des années à se défoncer, trimer maquette sur maquette, on vient carré pour. Posez mec, laisse passer les phénomènes. C'est rien que du naturel ma belle, ouvre grand tes oreilles. 100% 18ème zone sensible. Kiff le style, la pin, ça swing, on a le feeling. Rien à foutre de ce qu'ils pensent de nous ces imbéciles. Fini de faire les hostiles, faut qu'on s'arrache tranquille sur une île. Loin des courses poursuites avec les civils. Trop facile sur ce vinyle, écoute comment poser gosse des quartiers difficiles. Sur le 95.2 avec les deux doigts pour une spéciale mixomatose. Eh, hey, tu sais déjà mec, c'est la routine.